Si y'a un mise au point, c'est ça, nigga. Dams, pourquoi y'a tant de violence? Et pourquoi la délinquance? C'est à cause du président de l'État, son arrogance. Dams, pourquoi y'a tant de violence? Et pourquoi la délinquance? C'est à cause du président de l'État, son arrogance. On se pose trop de questions. Pourquoi les jeunes sont suicidaires? Ce débat pourrait être long. Surtout que t'en as rien à faire. Pourquoi y'a des clochards qui galèrent toute leur vie? C'est pire qu'un de mes cauchemars quand je regarde tous nos revenus. Vivre ta combat où les guerriers sortent vainqueurs. Évite les combats même si tu perds des litres de sueur. Réfléchis avant d'agir ou les péchés tu commettras. Examine quoi il s'agit avant de finir dans le pétrin. Je dois pas donner de conseils car à mon âge je sais que dalle. Tu veux faire de l'oseille, c'est dans la merde que tu pédales. La vie est ainsi faite, elle efface tous les petits faibles. La vie n'est rien qu'une fable et à lire c'est un casse-tête. Ton idole a trop d'argent. Que toi t'es à la rue, à la télé il est digent. Vérité il est trop cru. On se pose trop de questions, pourquoi la vie est ainsi faite? En fait on est des pions, de la bouffe dans leur assiette. Dams, pourquoi y'a tant de violence? Et pourquoi la délinquance? C'est à cause du président de l'État, son arrogance. Dams, pourquoi y'a tant de violence? Et pourquoi la délinquance? C'est à cause du président de l'État, son arrogance.